Chapitre 14e, les trois pouvoirs de la France. Billot marchait toujours, mais ce n'était plus lui qui criait. La foule est prise de son air martial. Reconnaissant dans cet homme un des siens, la foule, commentant ses paroles et son action, le suivait toujours, grossissant comme le flot de la marée montante. Derrière Billot, lorsqu'il déboucha sur le quai Saint-Michel, il y avait plus de 3000 hommes armés de coutelas, de haches, de piques et de fusils. Tout le monde criait « À la Bastille ! À la Bastille !» Billot s'isola en lui-même. Les réflexions que nous avons faites à la fin du chapitre précédent, il les fit à son tour et peu à peu, toute la vapeur de son exaltation fiévreuse tomba. Alors il vit clair dans son esprit. L'entreprise était sublime mais insensée. C'était facile à comprendre d'après les physionomies effarées et ironiques sur lesquelles se reflétait l'impression de ce cri « à la Bastille ». Mais il n'en fut que mieux affermi dans sa résolution. Seulement, il comprit qu'il répondait à des mères, à des femmes, à des enfants, de la vie de tous ces hommes qui le suivaient, et il voulut prendre toutes les précautions possibles. Billot commença donc par conduire tout son monde sur la place de l'hôtel de ville. Là, il nomma un lieutenant et des officiers, des chiens pour contenir le troupeau. « Voyons, pensa Billot, il y a un pouvoir en France, il y en a même deux, il y en a même trois, consultons. » Il entra donc à l'hôtel de ville en demandant quel était le chef de la municipalité. On lui répondit que c'était le prévôt des marchands, M. de Flessel. « Ah, fit-il d'un air peu satisfait. « M. de Flessel, un noble, c'est-à-dire un ennemi du peuple. »« Mais non, lui répondit-on, un homme d'esprit. » Billot monta l'escalier de l'hôtel de ville. Dans l'antichambre, il rencontra un huissier. « Je veux parler, M. de Flessel, » dit Billot, s'apercevant que l'huissier s'approchait de lui pour lui demander ce qu'il désirait. « Impossible, » répondit l'huissier. « Il s'occupe à compléter les cadres d'une milice bourgeoise que la ville organise en ce moment. »« Cela tombe à merveille, » dit Billot. « Moi aussi, j'organise une milice. Et comme j'ai déjà 3000 hommes en régimenté, je vaux M. de Flessel, qui n'a pas un soldat sur pied. Faites-moi donc parler, M. de Flessel, et cela à l'instant même. Oh, regardez par la fenêtre, si vous voulez. » L'huissier jetait en effet un coup d'œil rapide sur les quais, et il avait aperçu les hommes de Billot. Il se hâta donc d'aller prévenir le prévôt des marchands, auquel il montra, comme apostille à son message, les 3000 hommes en question. Cela inspira au prévôt une sorte de respect pour celui qui voulait lui parler. Il sortit du conseil et vint dans l'antichambre, cherchant des yeux. Il aperçut Billot, le devina et sourit. « C'est vous qui me demandez ?» lui dit-il. « Vous êtes monsieur de Flessel, prévôt des marchands ?» répliqua Billot. « Oui, monsieur. Qu'est-il pour votre service ? Hâtez-vous seulement, car j'ai la tête fort occupée. « Monsieur le prévôt, » demanda Billot, « combien y a-t-il de pouvoirs en France ?»« Dame, c'est selon comme vous l'entendez, mon cher monsieur, » répondit Flessel. « Dites comme vous l'entendez vous-même. » Si vous consultez M. Bailly, il vous dira qu'il n'y en a qu'un, l'Assemblée nationale. Si vous consultez M. de Drebrézé, il vous dira qu'il n'y en a qu'un, le roi. Et vous, M. le prévôt, entre ces deux opinions, quelle est la vôtre? Mon opinion, moi, est aussi qu'en ce moment, surtout, il n'y en a qu'un, l'Assemblée ou le roi? Demanda Billot. Ni l'un ni l'autre, la nation, répondit Flessel en chiffonnant son jabot. Ah, la nation, fit le fermier. « Oui, c'est-à-dire ces messieurs qui attendent en bas sur la place avec des couteaux et des broches. La nation, c'est-à-dire pour moi tout le monde. »« Vous pourriez bien avoir raison, monsieur de Flessel, » répondit Billot. « Et ce n'est pas à tort que l'on me disait que vous étiez un homme d'esprit. » De Flessel s'inclina. « Auquel de ces trois pouvoirs comptez-vous en appeler, monsieur ?» demanda Flessel. « Ma foi, » dit Billot, « je crois que le plus simple, quand on a quelque chose à demander d'important, c'est de s'adresser au bon Dieu et non pas à ses saints. » « Ce qui veut dire que vous allez vous adresser au roi. J'en ai envie. »« Et serait-ce indiscret de savoir ce que vous comptez demander au roi ?»« La liberté du docteur Gilbert, qui est à la Bastille. »« Le docteur Gilbert ?» demanda insolemment Flessel. « N'est-ce pas un faiseur de brochures ?»« Dites un philosophe, monsieur. »« C'est tout un, mon cher monsieur Billot. Je crois que vous avez peu de chance d'obtenir une pareille chose du roi. Et pourquoi ?»« D'abord, parce que si le roi a fait mettre le docteur Gilbert à la Bastille, c'est qu'il a ses raisons pour cela. « C'est bien, » dit Billot, « il me donnera ses raisons et je lui donnerai les miennes. »« Mon cher monsieur Billot, le roi est fort occupé et ne vous recevra pas. »« Oh, s'il ne me reçoit pas, je trouverai un moyen d'entrer sans sa permission. »« Alors, une fois entré, vous rencontrerez monsieur de Drebrézé qui vous fera jeter à la porte. »« Qui me fera jeter à la porte. » Oui, il a bien voulu le faire pour l'assembler en masse. Il est vrai qu'il n'a pas réussi, mais raison de plus pour qu'il rage et qu'il prenne sa revanche sur vous. C'est bien. Alors je m'adresserai à l'assemblée. Le chemin de Versailles est coupé. J'irai avec mes 3 000 hommes. Prenez garde, mon cher monsieur. Vous trouverez sur la route 4 ou 5 000 Suisses et 2 ou 3 000 Autrichiens qui ne font qu'une bouchée de vous et de vos 3 000 hommes. En un clin d'œil, vous serez abalé. Ah, diable! Que dois-je faire alors? Faites ce que vous voudrez, mais rendez-moi le service d'emmener vos 3 000 hommes qui battent le pavé avec leur hallebarde et qui fument. Il y a 7 ou 8 milliers de poudre dans nos caves et une étincelle peut nous faire sauter. En ce cas, je réfléchis, dit Bio. Je ne m'adresserai ni au roi ni à l'Assemblée nationale. Je m'adresserai à la nation et nous prendrons la Bastille. Et avec quoi? Avec les 8 milliers de poudre que vous allez me donner, monsieur le prévôt. Hein? Vraiment? Dit Flessel d'un ton goguenard. C'est comme cela, monsieur. Les clés des caves, s'il vous plaît. Hein? Plaisantez-vous? Fit le prévôt. Non, monsieur, je ne plaisante pas, dit Bio. Et saisissant Flessel des deux mains au collet de son habit, les clés, dit-il, ou j'appelle mes hommes. Flessel devint pâle comme la mort. Ses lèvres et ses dents se serrèrent convulsivement, mais sans que sa voix subît la moindre altération, sans qu'il quittât le ton ironique qu'il avait pris. Au fait, monsieur, dit-il, vous me rendrez un grand service en me débarrassant de cette poudre. Je vais donc vous en faire remettre les clés comme vous le désirez. Seulement, n'oubliez pas que je suis votre premier magistrat, et que si vous aviez le malheur de me faire devant du monde ce que vous venez de me faire seul à seul, une heure après vous seriez pendu par les gardes de la ville. Vous persistez à vouloir cette poudre? Je persiste, répondit Bio, et vous la distribuerez vous-même, moi-même, quand cela, à l'instant. Pardon, entendons-nous. J'ai affaire ici pour un quart d'heure encore, et j'aime autant, si cela vous est indifférent, que la distribution ne commence que lorsque je serai parti. On m'a prédit que je mourrai de mort violente, mais j'ai une énorme répugnance à sauter en l'air, je l'avoue. Soit, dans un quart d'heure, mais à mon tour une prière. Laquelle? Approchons-nous tous deux de cette fenêtre. À quel propos? Je vais vous rendre populaire. Un grand merci, et de quelle façon? Vous allez voir. Bio conduisit le prévôt à la fenêtre. « Ami, dit-il, vous voulez toujours prendre la Bastille, n'est-ce pas ?»« Oui, oui, oui !» crièrent 3 000 ou 4 000 voix. « Mais il vous manque de la poudre, n'est-ce pas ?»« Oui, de la poudre, de la poudre !»« Eh bien, voici monsieur le prévôt des marchands qui veut bien nous donner celle qui est dans les caves de l'hôtel de ville. Remerciez-le, mes amis !»« Vive monsieur le prévôt des marchands! Vive monsieur de Flessel !» hurla toute la foule. « Merci, merci pour moi, merci pour lui !»« Maintenant, monsieur, dit Bio, je n'ai plus besoin de vous prendre au collet, ni cela seul, ni devant tout le monde. Car si vous ne me donnez pas la poudre, la nation, comme vous l'appelez, la nation vous mettra en pièces. Voici les clés, monsieur, dit le prévôt. Vous avez une manière de demander qui n'admet pas les refus. En ce cas, vous m'encouragez, dit Bio, qui paraissait mûrir un nouveau projet. Ah, diable, auriez-vous encore quelque chose à me demander? Oui. Connaissez-vous le gouverneur de la Bastille, monsieur Delaunay? Je ne sais pas comment il s'appelle. Il s'appelle M. Delaunay. Soit. Connaissez-vous M. Delaunay? C'est un de mes amis. En ce cas, vous devez désirer qu'il ne lui arrive pas malheur. Je le désire, en effet. Eh bien, un moyen qu'il ne lui arrive pas malheur, c'est qu'il me rende la Bastille, ou tout au moins le docteur. Vous n'espérez pas que j'aurai l'influence de l'amener à vous rendre ou son prisonnier ou sa forteresse, n'est-ce pas? Cela me regarde. Je ne vous demande qu'une introduction auprès de lui. Mon cher monsieur Bio, je vous préviens que si vous entrez à la Bastille, vous y entrerez seul. Très bien. Je vous préviens en outre qu'en y entrant seul, vous n'en sortirez peut-être pas. À merveille. Je vais vous donner votre laissez-passer pour la Bastille. J'attends. Mais à une condition encore. Laquelle? C'est que vous ne viendrez pas me demander demain un laissez-passer pour la Lune. Je vous préviens que je ne connais personne dans ce monde-là. Flessel! Flessel! Dit une voix sourde et grondante derrière le prévôt des marchands. « Si tu continues d'avoir deux visages, un qui rit aux aristocrates et l'autre qui sourit au peuple, tu te sauras peut-être, d'ici à demain, signer à toi-même un laissez-passer pour un monde dont nul ne revient. » Le prévôt se retourna frissonnant. « Qui parle ainsi ? » dit-il. « Moi, Marat. »« Marat le philosophe ? » ?»« Marat le médecin ? » dit Bio. « Oui, » répondit la même voix. « Oui, Marat le philosophe, Marat le médecin, » dit Flessel, « lequel, en cette dernière qualité, devrait bien se charger de guérir les fous, ce qui serait pour lui un moyen d'avoir aujourd'hui bon nombre de pratiques. » Monsieur de Flessel, répondit le funèbre interlocuteur, ce brave citoyen vous demande à laisser passer pour Monsieur Delaunay. Je vous ferai observer que non seulement il vous attend, mais encore que 3000 hommes l'attendent. C'est bien, monsieur, il va l'avoir. Flessel s'approcha d'une table, passa une main sur son front et de l'autre, saisissant la plume, il écrivit rapidement quelques lignes. « Voici votre laissez-passer, » dit-il en présentant le papier à Biot. « Lisez, » dit Marat. « Je ne sais pas lire, » dit Biot. « Eh bien, donnez, je lirai, moi. » Biot passa le papier à Marat. Le laissez-passer était conçu en ces termes. « Monsieur le gouverneur, nous, prévôt des marchands de la ville de Paris, nous vous envoyons, monsieur Biot, à l'effet de se concerter avec vous sur les intérêts de la dite ville. 14 juillet 1789, de Flessel. Bon, dit Biot, donnez. Vous trouvez ce laissez-passer bon ainsi, dit Marat, sans doute. Attendez, monsieur le prévôt va y ajouter un post-scriptum qui le rendra meilleur. Et il s'approcha de Flessel qui était resté debout, le poing appuyé sur la table, et qui regardait d'un air dédaigneux, et les deux hommes auxquels il avait particulièrement affaire, et un troisième, à moitié nu, qui venait d'apparaître debout à la porte, appuyé sur un mousqueton. Ce troisième, c'était Pitou, qui avait suivi Biot, et qui se tenait prêt à obéir aux ordres du fermier, quels qu'ils fussent. « Monsieur, dit Marat à Flessel, ce post-scriptum que vous allez ajouter et qui rendra le laissez-passer meilleur, le voici. » Et il écrivit le post-scriptum demandé. « Cependant, messieurs, dit-il, notez bien ceci, c'est que je ne réponds pas de la sûreté de M. Biot. « Et moi j'en réponds, dit Marat, lui tirant le papier des mains, car votre liberté est là pour garantir sa liberté, votre tête pour garantir sa tête. « Tenez, brave Biot, dit Marat, voici votre laissez-passer. « L'abri, cria M. de Flessel, l'abri. Un laquais en grande livrée entra. « Mon carrosse, dit-il, il attend M. le prévôt dans la cour. « Descendons, dit le prévôt. « Vous ne désirez rien autre chose, messieurs ?»« Non, répondirent à la fois Biot et Marat. « Faut-il laisser passer ?» demanda Pitou. « Mon ami, dit Flessel, je vous ferai observer que vous êtes un peu trop indécemment vêtu pour monter la garde à la porte de ma chambre. Si vous tenez à y rester, mettez au moins votre giberne par devant et appuyez-vous le derrière à la muraille. « Faut-il laisser passer ?» répéta Pitou en regardant M. de Flessel d'un air qui indiquait qu'il goûtait médiocrement la plaisanterie dont il venait d'être l'objet. « Oui, dit Biot. » Pitou se rangea. « Peut-être avez-vous tort de laisser aller cet homme, dit Marat. « C'était un excellent otage à conserver, mais en tout cas, quelque part qu'il soit, soyez tranquille, je le retrouverai. »« L'abri, » dit le prévôt des marchands en montant dans son carrosse, « on va distribuer de la poudre ici. Si l'hôtel de ville sautait par hasard, je ne veux point d'éclaboussure. Hors de portée, l'abri, hors de portée. » La voiture roula sous la voûte et apparut sur la place où grondaient 4 ou 5 000 personnes. Flessel craignait qu'on interprétât mal son départ, qui pouvait tout aussi bien être une fuite. Il sortit à mi-corps par la portière. « À l'Assemblée nationale » cria-t-il au cocher, ce qui lui valut de la part de la foule une salve colossale d'applaudissements. Marat et Biot étaient sur le balcon et avaient entendu les derniers mots de Flessel. « Ma tête contre la sienne, » dit Marat, « qu'il ne va pas à l'Assemblée nationale, mais chez le roi. « Faut-il le faire arrêter ?» dit Biot. « Non. » dit Marat avec son hideux sourire. « Soyez tranquille, si vite qu'il aille, nous irons encore plus vite que lui. Maintenant, aux poudres. »« Oui, aux poudres, » dit Biot, et tous deux descendirent, suivis par Pitou.